rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Monstre Marin. Passez une bonne soirée, bienvenue Monstre Marin sur Skyrock. C'est le label créé par Gims, monté par Gims avec le label manager, celui qui est le directeur de label qui est là, qui s'appelle Aria. C'est ça. Qui est d'origine. Non, commence pas. On peut y aller ou pas? J'assume. Bah, tu assumes ton côté iranien, puisque c'est vrai qu'il y a des origines et que si on Perse, fait un point footballistique, Perse, exactement. Moment où on sommes à Bosnie 3-1 face à l'Iran, merde. J'ai bien peur que ce soit de retour pour Téhéran. C'est pas sport national chez nous, ça c'est arrête, sûr. Arrête, tu vas nous l'énerver. C'est plus arrête. La lutte chez nous, c'est plus la lutte. C'est vrai que tu es un sacré lutteur ce soir. Vous pouvez voir les images sur skyrock.fm. Bienvenue à vous tous. Donc l'équipe de Monstre Marin, ils sont là. Je vois Yann Slow du Nine qui est là, Belgique, yeah. Autrement dit les Marine Monsters, ça c'est le groupe. Il y a aussi X-Gangs qui est là avec nous. Pareil, en muscle, hein, il aurait peut-être pu aller aussi en Iran, hein, dans le côté lutte. Ah ouais, côté lutte aussi, pour faire l'affaire. Côté lutte, ça fait l'affaire. Et puis, l'Algérino, yeah, on est là. J'ai cherché aussi une petite phrase d'accroche, mais je crois que tout se résume dans la coupe. Tout est dit, tu as bien fait de lâcher un petit peu cette casquette que t'avais hier. Nouvel album, nouvelle coupe. Voilà. Et ça gonfle, hein. Ouais, non, c'est travaillé. Encore celle-là, je l'ai pas trop réussi. Mais ça va. Un sacré look, hein, quand même, sur le label, hein. Depuis qu'on a fait. Il y a une sacrée équipe sur le label, hein. On essaye de travailler le style. Il y a deux semaines, j'étais en showcase, il y a une fille, elle m'a dit, Algier, tu es charmant, tu ressembles à Elvis. J'ai aimé le Elvis, j'ai pas trop aimé. C'est sympa. Écoute, on la salue, donc, en tout cas. Bienvenue à vous tous. Ça va bien, Algier, en pleine forme? Très bien, ouais, impeccable. Prêt, tout est prêt pour ce soir. Ce soir, ça, on avait dit que c'est une grosse soirée puisque, peut-être une future recrue du label, ou en tout cas déjà au moins filer un coup de pouce et. En tout cas, oui. Filer un coup de pouce et partir en studio, beau studio, pour aller enregistrer un morceau, pour ensuite peut-être démarcher donc les maisons de disques. Exactement. Il y a eu un concours qui a réuni combien de personnes? Au coup, 2000, un peu plus de 2000. 2000 participants. Yes, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Tout le monde a participé et seulement 5 gagnants. Donc voilà, il y a 5 finalistes. Voilà, on peut déjà dire que les 5 ont gagné déjà. Voilà, oui, ça y est, ils ont gagné. Partir de 2000 et. Sur Skyrock, déjà, ils ont gagné. Mais quels étaient les critères? Alors oui, attention. Donc, rappelons déjà le principe du concours. Yes. Le concours, c'était quoi En fait, le concours, c'est on a balancé une prod de notre gars à la Tip Beat. Yes. Et en fait, ils ont dû faire un truc. Ils devaient nous prouver, en fait. Ils devaient faire tout ce qu'ils devaient nous montrer ce qu'ils avaient dans le ventre. Ouais, voilà, c'est tout simplement, en fait. Sur cette prod-là. Mais en voyant vidéo, c'est-à-dire en voyant une vidéo. Voilà, exactement. Donc, ça il fallait faire un freestyle, tout simplement, ou bien faire un clip, ou n'importe quoi, quoi. Et voilà. Et bon, on va les découvrir dans un instant. Exactement. On présentera donc les 5 finalistes dans un instant sur Skyrock avant 21h. Il y aura aussi un gros live pour. D'ailleurs, c'est quoi la suite pour départager un petit peu pour. En gros, ce soir, dans les 15 dernières minutes de l'émission, ça va débiter sur 2 minutes chacun. Sur les gagnants, en fait. Voilà, c'est ça. C'est les gagnants aujourd'hui qui vont vraiment. Qui vont kicker. Sur les instrus que le DJ va balancer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune. B-Rice au platine. Voilà. Et après, qui décidera alors? Après, c'est nous. On verra. Plus tard, on annoncera le grand gagnant plus tard. Ouais, le gagnant. À celui qui arrache le mic. C'est ça le truc. Faut préciser que l'heureux gagnant, le grand gagnant de ce soir, il aura le droit de faire un son dans l'un des plus gros studios de Paname. Tu vois? Donc un voilà, gros studio avec tous les effets que t'as jamais vu, il y a que des cris. Même moi, j'ai jamais enregistré là-bas. Même toi, en même temps, j'ai jamais enregistré dans les caves, moi. J'ai plus d'inspiration. Bon, bah écoute, on verra. Quand c'est trop gros, j'arrive pas. On pourra donc découvrir ces 5 finalistes dans un instant, et puis on va aussi se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, le petit replay d'hier soir. Et donc ce soir, c'est quoi? C'est la nouvelle génération? C'est. Nouvelle génération, nouveau. Les Marine Monsters. Formé par Belgique et Yann Slow du Nine. Yann Slow du Nine. Et puis un autre artiste aussi. X-Gangs. Ah bah tiens, voilà, il est arrivé. Yes, l'Algérino. L'Algérino qui arrive, qui va s'installer. Les casquettes vont être pour l'un de vous maintenant, puisque c'est l'heure du quiz Coupe du Monde, si vous êtes prêts dans l'émission. Yeah. Attention. Pour l'instant, il y a 2 et 0 pour tout le monde. Ah ouais? 2 pour Yann Slow. Là, il y a 1, j'ai mis 1 moi tout à l'heure. Il y a 2. Non, essaye pas, non. Il a mis 1. Vas-y, Yann, c'est la famille. Combien de buts ont été mis par l'équipe d'Algérie dans cette compétition? 2. Eh non, 5, qu'est-ce que tu racontes? 5. Mais oui, l'Alger, bravo, on peut applaudir l'Alger. Ah ouais. Il prend bien son blaze. Session live maintenant. DJ B-Rice est au platine, on le salue. La relève. en direct de Skyrock Radio. Skyrock. Marine Monster, Marine Monster, Marine Monster, Marine Monster, Marine Monster, Marine Monster, Marine Monster, Marine Monster. Malheureusement sur le papier les choses va maintenant passe aux aveux. Ce marin corporation, vite fais un vœu. Ramène-moi n'importe qui frérot, je vais tous les aligner. J'ai été trompé par le fait que je comptais comme allié. Soit glisse, je bientôt les voir s'habiller. Le temps passe, le temps presse, mais dans votre pitch il faut que je perce. Oui, je me vois déjà un Stamford Bridge. Projecteur sur ma faux, ça brille. J'entends sur ma beaucoup trop de bruit. Oh oui, oh. Je vais vous raconter ma life. Comment sans pas faire du ça, la la la la. Dédicace. You wanna know. Yann Slow. Est-ce que t'as déjà vu des gens pour de la farine canne? Et les filles, les flics, les fanatiques de farine canne. 9-9, 9-9, on arrive en balle. Prixma, choqué dans un Sharingan. Voilà un petit peu l'ambiance d'hier soir. Ce soir, on peut encore faire mieux. C'était bouillant. Ce soir, déjà hier, c'était bien. C'est nouveau, très ça, bien. Les replays. Ouais, on a. Ah, c'est bien, c'est bien, original. Ça te permet de te rappeler ce qui s'est passé hier soir. C'est bien, si tu perds la mémoire, ça te rafraîchit la mémoire. Tu t'es rappelé de. Bah, d'ailleurs, que tu avais donné une bonne réponse. Ouais, mais celle-là, je l'avais pas oublié. Dans le quiz Coupe du Monde. Bon, on va débuter avec un morceau. On débute comme d'hab avec le pour commencer des Marine Monster. Yeah. Avec Gims. C'est ça. C'est parti. Puisqu'il faut aussi rappeler que lundi 30 juin sortira la Monster Party Volume 1. La com. 7,99€ en précommande. Ah, c'est bien. Ça. Bien, l'Alger. Sur l'Alger. Bon, l'Alger, il est prêt. C'est mon métier. C'est correct. Allez, c'est parti. Je n'ai pas changé depuis. Y'a mon gars sur HD dans la place. Je vais me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser. Ce soir c'est le feu à Skyrock. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. La la la la. Donc on vestit. You what I know, young slow du nananana. On va commencer par faire du sale. Est-ce que t'as déjà vu des gens pour de la farine canne? Et les flics, les fanatiques de farine canne. 9-9, 9-9, on arrive en balle. Fixe-moi à bloquer dans un Sharingan. J'arrive en balle, c'est all time. Vas-y taille frère, 9ème zone, que des gaps sales, que des bails frais. J'ai la dalle, j'ai tout braille, oui, ça va le faire. J'ai la technique, ma beauté nique, ton boyfriend. C'est la frite, là où y'a pas de trompette. Ça où ça casse la coque et des flingues dans des packs trompettes. Ça hold up, oui, vous êtes mort depuis. Entre marin corporation et que Black Panther. Hello, si je tape, que des cas aussi je tape. T'es mort dans le film, comme un déclin entouré de ses stars. Plus le temps, faut qu'on se casse, trop vite, tu constates. Make you wanna know du night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le temps. Ce soir on a les 5 gagnants avec nous. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être ouais, dans un pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know du night. African Spartiate. Je n'ai juste plus le temps de me poser où la jambe baillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. La la la la la. You what I know, young slow. Sony mon gars. On va commencer par faire du sale. Yo miss, I'm sorry. C'est ton cœur, je l'ai déjà zébré. Tu me verras m'enjailler avec toute ma clique, mais jamais sautise. On rivalise, vous dévalise. Pendant que le guy gère le beat, je veux être vendu au West Indies. Marine Monster, rest in peace. Tellement, tellement clair. Aucune terre. Laisse-nous faire ce monde. Paris Saint. Juste la l'air. Comment vous dire qu'on arrive en dessous? Putain, les gars, je peux vous faire un dessin. En fin d'année, vous allez vous chier dessus. Ouais, c'est vrai qu'on veut des sous. J'ai pas le genre de mec, posé au bar. J'ai pas besoin de boire là-bas. On t'a dit que l'inspire, viens de me dar. Casquette Vortex Net, Club Bar. Make you wanna know du line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe baillit. Et à l'heure où je te parle. Wesh, Luciano! Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know du night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le temps. Bon, sinon, je vais me poser où la jambe baillit. Et alors, je te parle. Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. La la la la. Make you wanna know, young slow du nananana. Sarou, mon gars déserté. La la la la. Wouh! On va commencer par faire du sale. Fais sale. On va commencer par faire du sale. On va commencer par faire du sale. La Monster Party. N'oubliez pas. Le 30 juin dans les bacs. du Wadano du Nine. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle, viens ce monde, Blancoc. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Le du Wadano du Nine. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time. Geeks la calache, Wormsty, aïe, Bosch, la Brezou. Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Pour commencer c'est extrait de la Monster Party qui sort lundi 30 juin, qu'on peut précommander maintenant moins de 8 euros. Moins de 8 euros toute cette semaine. Avec les Marine Monsters qui sont là, avec Belgic, avec Yann Slow du Nine, avec Gims. Est-ce qu'on a des nouvelles de Gims d'ailleurs? Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il est content pour l'instant? Est-ce qu'il écoute un petit peu là où il se trouve? Il est juste plus time. Il a plus de time. Et qu'à l'heure où on parle de lui, il est peut-être loin d'ici. Exactement. Il est toujours dans un autre pays. Ouais, Meggy, elle laisse tomber, c'est une galère. Ça, d'ailleurs, tu peux nous renseigner sur le 9e, puisqu'il fait référence justement à une rue précise dans ce morceau. Exactement, en fait, cette rue-là, c'est une rue mythique, si tu veux, des freestyles de section d'assaut et tout le tralala. C'est vraiment une rue mythique. C'est qu'à chaque fois dans le quartier, qu'il y avait un groupe ou une personne qui voulait freestyler dans une rue, ça se passait dans cette rue. Qui passe par cette rue. Qui est la rue? La rue de l'Agent Bailly. L'Agent Bailly. 7509, big up. Exactement. Voilà, il y a encore des choses qui se passent là-bas. Bien sûr, on a beaucoup d'amis à nous qui rappent aussi, je pense à l'Arsenal, à Classé X, le Wost, Booba du Nine. Je m'étais pris la tête sur l'agent Bailly, je viens de comprendre. Ouais, c'est ça en fait, c'est pas l'agent Bailly, c'était l'agent Bailly. C'est une rue en fait, non, après je dis ça doit être un truc de fou. C'est une rue dans Paris, c'est vrai que c'est voilà, où la section faisait des freestyles. Comme la rue Greneta quoi, tu vois. Nous on a d'autres genres de trucs, vous avez pas vu la vidéo rue Greneta là qui circule sur le net depuis quelques jours? Non, ça passait quoi? Là, juste deux numéros à côté de la radio, un couple en train de faire l'amour en pleine journée. Je l'ai vu. Mais ça, c'est X Gangs qui avait rien dit pour l'instant. Ah ouais. Mais ça, c'était vrai. Ah bah, a priori. A priori. Faut les mettre en prison, ces gens-là. Des libertins, non? A priori, c'était bien bouillant, quoi. Je sais pas, c'est peut-être la rue Greneta. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. Mais t'avais l'air bien intéressé, toi. T'étais concentré dans la façon comment tu nous expliques ça. On dirait que c'est toi qui as filmé. C'est pas moi. Mais je l'ai reçu très vite, cette vidéo. Mais c'est pas moi. Donc voilà, c'est important aussi de signaler que c'est un spot important et c'est ce qui cite Gims dans le morceau. Donc tu voulais des nouvelles de Gims, il a plus le time de se poser. Ah, Gims, il est posé, il est au calme là, t'inquiète pas. Il nous écoute là, je vois son sourire d'ici. Il rigole. Ouais. Bon, on le salue, j'espère aussi qu'il va être fier de votre sélection puisque ce soir, sélection de l'équipe des monstres marins. Exactement. Donc alors quoi, c'est 5 groupes, il y a aussi. Ouais, il y a 5 groupes, il y a 5 groupes et une meuf aussi dedans. Bah, on présente peut-être la jeune fille en premier, non? La jeune fille, Cyrine. Qui est là? Cyrine à la barre. Bienvenue, Cyrine. Viens dire un petit mot. Mais j'ai l'impression que je te connais en plus, toi. Ça va bien? Non, mais. Mais arrête, toi aussi, X-Gangs, dès qu'on parle d'un truc, ça y est, il est déchaîné. Qu'est-ce qui m'a fait, tu sors les abdos, poteau. Bienvenue, mademoiselle, comment ça va? Ça va très bien, merci. En forme? En forme. Petit CV Express? CV Express, j'ai commencé la musique il n'y a pas très longtemps en fait. Ma carrière solo, c'était là en janvier. Ah oui, bah, c'est super. Ah oui, c'était il y a quelques mois. Exactement. Il y a 6 mois. Exactement. Donc tout doucement, on essaie de se faire connaître. Ah oui, c'est tout en fait, c'est un CV très, très super exprès. J'ai même pas eu le temps de finir ma petite gorgée, je t'écoutais. Je suis en train de boire tranquillement et non en fait. Mais alors, comment t'as eu vent du concours? T'as reçu un mail? Non, tu as suivi tout. En fait, j'étais en studio avec un rappeur belge qui s'appelle Fléau, à qui je fais un gros big up d'ailleurs. Et en fait, il m'a dit qu'il y avait un concours parce que moi-même j'étais en train d'organiser un concours en fait. Et toi-même, tu es belge? Non, je suis française, mais je vis en Belgique. Okay. Voilà. Et du coup, j'en ai entendu parler comme ça quand j'étais en studio. Et donc, j'ai décidé de le faire. Le soir même, j'ai écouté l'instru. J'ai dit, pourquoi pas. Et est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'il y a une adresse internet où on peut. Oui. Voilà. Alors, Serene Arenbeast. Donc, Serene, c'est S-E-R-2-E-N. Et Arenbeast. Arenbeast. Comme ça se prononce. Ok. Bon, on t'écoutera chanter tout à l'heure. Merci en tout cas d'être là. Bravo déjà aussi, puisque tu fais partie des 5 derniers. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à toi. Et on va pouvoir se découvrir et découvrir ta voix d'ici quelques minutes. Merci beaucoup. X-Gangs, petit commentaire, un petit truc à dire, à ajouter parce que là... Non, impeccable. Bien content de sa voix, elle nous a mis la pression, c'est bon. Elle, c'est une sirène, Fred. Elle, c'est la sirène. Ah, je vois. Elle, franchement, je vois. Bah, on peut voir aussi les images, hein, ceux qui ont les mais images. Bien sûr, allez tous regarder les images de Sirène. Et envoyez-nous des messages avec le hashtag Monstre Marin sur Skyrock. Bon, alors continuons les présentations. Ensuite, nous avons Bash. Du 38, ça je le connais. Bash du 38. Bash. Du bruit dans le studio. Je sais qu'il vient de Grenoble. Voilà, exactement. J'ai croisé en bas de la radio lui aussi. Vas-y, présente-toi ma gueule. Si, c'est vrai en plus. Ouais, chef. Ça va bien ? Ça va et toi ? Eh bah écoute, en forme. On est en forme. Donc okay. Petit CV Express. Fatigué par la route, mais on est là. Ah bah ouais, je m'étonne. Petit CV Express, je m'appelle Bash, j'ai 29 ans, j'habite Grenoble. Ça fait un petit moment que je fais du son, mais ça fait bien 2-3 ans que je me suis mis à fond, on va dire, dedans. Et puis voilà, on est là. Eh bah écoute, bienvenue, je sais qu'il y a un projet. Merci. Parce que moi je joue un morceau dans le Nocturne qui s'appelle 3-8, c'est le Barça. Exactement, je te remercie d'ailleurs pour ça. Super sympa. Le projet s'appelle Salle d'attente, il est disponible sur Bandcamp. Et puis voilà, j'invite tout le monde. Et toi pareil pour te suivre, les réseaux sociaux, les adresses, internet. Dans Facebook, on a fait une page il n'y a pas longtemps, c'est Bash officiel, B-A-S-H officiel. Et le Facebook, Bash Napalm. Voilà quoi. Et bon, on découvrira aussi. Bash que j'ai vu en live aussi, on a fait un showcase ensemble à Grenoble et il a tout pété avec. Moi je suis quelqu'un avec ton cheat là, 3-8 ouais. C'est le Barça, merci, c'est ça. Merci frère. Lourd. Moi je suis quelqu'un du live, tu vois. Je préfère le plus le live qu'au studio. Et ben on aura de scène, je te parle, un concert. Je préfère le concert. Bah écoute, déjà là on se concentre. Ah, Zama, tu es plus dans le live, hein. Et ben on aura du live. Tout à l'heure on aura du live. On va voir ça. On va juger. On va pouvoir juger dans quelques minutes, puisqu'il y aura du live avec tout le monde aussi. Merci Bash et bienvenue à toi aussi. Big up Grenoble aussi. Continuons les présentations, Belgic, c'est toi un petit peu le maître de cérémonie, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien vendre un feu de rêve comme ça, là, je me crois pour je sais pas qui. Bon, là, on a qui à côté, là? Jones. Mon gars, Jones. Jones, qui vient de Goussainville, vas-y, va se présenter. Il approche du 9-5 et supporter des Bleus, bravo. Bravo, ouais. On voit qu'il a le t-shirt, bravo, bravo. Magnifique. Allez, les Bleus, allez, les Bleus, vas-y, mon gars. Bienvenue. Merci, ça fait plaisir. Donc alors pareil, pour comme tout le monde, petite présentation. Bah Jooms, comme tout le monde le sait, a.k.a. kicker des temps modernes. Fada, ça se passe ici. Goussainville, 95, on est ensemble, hyper racique. Et toi, t'as des projets qu'on peut retrouver, une adresse internet où on peut avoir l'actu, suivre? J'ai juste mon Facebook, Djungo Jooms, D-I-O-U-N-G-O, Jooms, D-I-O-U-M-S. Voilà. T'entends ça? Quand il parle, même il rappe. Tu vois, il est dans les temps, direct. Il est dans les temps, frère. Il se bat lui-même. Fada. Ils sont 30, lui aussi, hein, à l'intérieur? Ils sont 30. T'entends ça? Ils sont 30. Quand il les part, il se bat lui-même. Voilà, c'est nous. Trop fort. Bah écoute, bienvenue aussi. On découvrira en live d'ici quelques minutes. On va présenter les deux derniers dans un instant. Juste avant, je veux qu'on mette un petit morceau extrait du projet qui sortira lundi 30 juin. Et puis comme ça, on maintient un peu le suspense pour les deux derniers qui arrivent, qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Yes. Est-ce qu'on met le morceau de l'Algérino? Ça va aller, par exemple? Allez, yeah, allez. Je crois que c'était ton son hier, X-Gang. C'est pas ce que tu nous as dit? C'est mon son. Ah non, c'était Yanslo. C'était Yans. Il me l'avait fait écouter avant. Merci, qu'il sorte. Yanslo, il avait avant qu'il sorte, carrément. Je jure. Eh bah, écoutons-le maintenant. Il sera sur le projet qui sort lundi 30 juin à moins de 8 balles. Voilà. Monster Party dans les bacs le 30 juin, la famille. Inch'Allah. Aïe. Big up HDI dans la place. Dur de garder la tête sur les épaules. Ce monde me fait peur, donc je m'isole. J'ai pas compté combien de fois j'ai touché le sol. Où sont passés mes rêves d'enfant? J'ai grandi trop vite, ma chère maman. Papa m'a dit de prendre mon temps. Aujourd'hui je raconte mes regrets en chantant. J'avais rien à foutre du monde, plaqué, menotté. J'ai cru que le bonheur c'était de courir après le blé. Oui, les études abrégées, j'ai beaucoup d'acné. Je parle plus aux filles, je suis trop complexé. Je me demande, j'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande, je me sens pas beau, je me sens dépassé. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. J'taillais les courses, découpais des plaques. J'traîne avec mes potos blancs, beurre asiatique et black. Assis contre un mur, j'fume ma première cigarette. Petit déjà, j'ai compris que le quartier n'était pas net. Juste en bas de chez moi, je vois les grands qui bicravent. On a la PlayStation et la télé dans la cave. On freestyle jusqu'à pas d'heure quand j'découvre le rap. Papa me donnait des roses, il avait peur que je dérape. La conseillère me dit que j'ai des capacités. Avertissement de conduite rarement félicité. La plus bonne de l'école me fait tourner. Ouais, louche, t'es un rifleux. Mais le cas, t'es un rifleux, y'a rien. Je faisais tout dans l'excès, adolescent complexé. Maman se fait du souci, regarde la rue en train de me piéger. J'ai cherché la paix dans le pavé. Je ferai la guerre pour construire à maman son palais. Je me demande, oh, oh, oh. J'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande, oh, oh, oh. Je me sens pas beau, je me sens détesté. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi, petit, ça va aller. Yeah. C'est la vie, c'est le monde. Big c'est up, les hommes. Big up, ça tue l'Algérino. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Je souhaite à tout le monde de sortir du Tchex, moi. J'ai trop été collé au banc de la thèse. Dédié à tous nos amis disparus. Je suis pas comme tous ces rappeurs qui vénèrent la rue. Je me demande. Je me demande, oh, oh, oh. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi, petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Ouais, ro, casse des dos, des 1, rifle. Casse des dents, tout le monde salf. H de guerre, ro, y'a rien. Lucho, mon gars, y'a rien, ro. Melka, y'a rien. D5, le D1, y'a rien, ro, y'a rien. À l'instant, le morceau de la Gerino, ça va aller, c'est ce qu'on écoutait. Extrait du projet qui sortira. HD qui se faisait plaisir. C'est correct. Petite dédicace. Et on va continuer. Et on va continuer à présenter les deux derniers, justement, du concours Marine yes, Monster. Ils étaient 2000 au début. Ils ne sont plus que 5 dans le studio, il en restera un. Voilà, exactement. Bon, ça là, on va être la bande annonce de yes. Une nouvelle émission. Bon, alors, on va accueillir mon gars Sony. Sony. Charma. Il va se présenter tout. Calmement. Allez, prends le mic. Bienvenue Sony. Moi c'est Sony. J'habite à Aix, Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Yeah. L'Adjé peut-être. Aix-en-Provence, une ville que j'apprécie. C'est ça. Magnifique. On appelle Aix-en-Provence le petit Paris de la province. Ouais, c'est... Vous avez une équipe aussi comme le PSG là-bas? Non, disons que c'est un peu, on va dire, un peu bon chic, bon genre. C'est, hein, c'est... Mais bon. Ah, mais c'est sympa. Non, mais c'est très magnifique. Le petit cours Mirabeau. Moi, j'adore Aix-en-Provence. C'est très, très beau, c'est très joli Aix-en-Provence. Bon, après ce petit point géographie. On a squatté le Pasino de Aix. Bon, on a arrêté maintenant. Après ce petit point géographie. Revenons donc sur toi, Sony. Donc. Alors, collectif Polygame. C'est un collectif, il y a 8 personnes. La Ruse, 2-4 de Masta, Siki, Hassan, Izibat, Kani, Med. Voilà, après il y a un groupe 13 kills aussi. Un duo, 2-4 de Masta et moi-même. Et voilà, c'est tout. Et bah, c'est déjà pas mal. On peut te suivre où? Il y a des adresses internet, des projets qui sont sortis. Il y a le projet Polygame qui va sortir mi-septembre. En septembre, normalement, ça va être lourd. Polyphase B, que des phases B. Après un projet qui est sorti en septembre, Logive Urbaine, 13 kills, de 4 de Masta et moi, www.13kill.com. Retrouvez le projet, c'est un EP, 10 titres. Voilà. Eh ben merci et bienvenue, bonne chance aussi. Bix, je voudrais dédicacer les gens d'Aix-en-Provence aussi, la famille Ouga, ouais. Dont pense à vous, Hashmi et Gandalf le Gris. Voilà. Et bon, salut tout le monde. X Gang, je te trouve bien calme quand même ce soir. Il en a ramené. C'est le clown par rapport à hier. Non, je vais t'expliquer en fait ce qui se passe avec moi. Quand tu me vois calme comme ça, je communique avec mes clones en fait. Oh, je passe des messages. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça le délire. Et tu ne vois pas parler, mais je parle dans ma tête en vérité. On va l'exorciser. Là, c'est le clone. Là, c'est X-Gangs. Clone 93. Hier, c'était le 7-5. Il a bien fait son taf. Il a été félicité bon par le vrai. D'accord. Le vrai l'a félicité. Donc, c'est pour ça que celui du 9-3, là, celui du 9-3, il la ferme pour l'instant. Il écoute. Il va falloir qu'il réagisse un peu, quand même, d'accord. Non, t'inquiète, il va s'exciter tout à l'heure, t'inquiète pas. Et donc, le dernier, trop ce chaque, soir là. Aussi. Le dernier, c'est un groupe en fait. C'est un groupe. Et ils sont là. African Spartiate. African Spartiate, bienvenue. African Spartiate, 91, j'ai eu, qu'est-ce que c'est là? Poulet. Eh ben, petite présentation. 91, Charla, Cassis Sénard, vie, 91. Présentation d'African Spartiate. African Spartiate, un groupe de deux rappeurs. On est sud Cassis Sénard, région parisienne, 91, 480. Je dédicace tous mes frères. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait du son. Dédicace l'Alger. On a déjà sorti une mixtape, une épée, un projet. Un grand remerciement à Benji et Anslo pour la sélection. Dédicace, une grosse dédicace à la Triade, un groupe de chez nous aussi qu'ils ont fait. Nawami. Nawami, et qui est Pete Bakary, mon grand sir. Grosse dédicace, et voilà, on est content d'être là et ça va kicker. Mon gars va bastos, est-ce qu'on peut vous suivre quelque part? Le Facebook et le Twitter. Quartier Nord, à Paname là. Ouais, Facebook, ça se passe sur African Spartiate. Et Twitter, c'est pareil, African Spartiate, on est dessus. African avec un K. Dédicace à tout Megava, Biggie, le boss, dis donc. La DT. Et bon, on vous retrouvera tous en live dans quelques minutes. C'est B-Rice. C'est B-Rice qui balancera les instrus. B-Rice. Au platine. Dans quelques minutes, ne bougez pas sur Skyrock. On va aussi revenir avec un extrait du projet qui sortira le 30 juin. C'est lundi dans les bacs. C'est lundi, ouais. La Monster Party. On écoutera un morceau. Je sais pas, est-ce qu'on mettra pas, par exemple, Je Maîtrise. Par exemple. Par exemple. Et bah, très bien. Et bah, Je Maîtrise dans un instant. Ne bougez pas sur Skyrock. On vous attend au Freestyle Planet Rap et le retour après ça. Comme toi, monstre marin, a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Monstre marin sur Skyrock entre 20h et 21h dans Planet Rap. Dans un instant, il y aura un live justement avec les 5 finalistes. Il y a eu un concours, 2000 participants, 5 au final ce soir à écouter en live dans quelques minutes. Juste avant, on est promis aussi le morceau de l'Alger dans quelques minutes qui s'appelle Gamberge. Yes, juste avant. Morceau inédit qui figure d'ailleurs sur le projet le 30 juin dans les bacs. Et c'est un morceau inédit qui n'a pas été balancé encore. Qui n'a pas été balancé. Alors dans l'atmosphère, il est original parce qu'il est composé de deux parties avec deux instrus différentes, composées par Spike Miller, à qui je fais un gros big up. Et même dans le discours, on peut l'écouter, après on en parlera. Et on va l'écouter dans un instant. Vas-y. Juste avant, mais aussi on avait promis le morceau Je Maîtrise. On maîtrise, ouais, avec X-Gang. Avec 8 mètres Gims. Ok. Et ben on l'écoute maintenant sur Skyrock, le morceau. Petite question aussi pour repartir avec l'album dédicacé, des casquettes Vortex aussi à choper, hein, allez-y. 41759. Toute la semaine, on fait gagner des cartes de Vortex. Exactement. Et bah, allez-y, vous balancez. Alors, la question est simple pour l'instant. Et d'ailleurs, qui seront les artistes qui figureront sur le projet Monster Party? Donc, les artistes du label Monstre Marin, qui sont-ils? Vous les citez, vous envoyez leur nom à chacun, les noms de groupe aussi. Et vous repartez avec l'album dédicacé et casquette Vortex au 41759. Allez, on écoute, Je Maîtrise maintenant. Ok. Grosse dédicace à mon gars sûr, Eddy, Saddam, 318, Fren, on est ensemble la famille, on est ensemble, ça bouge pas. Volat, Drancy Nord, incarcéré à Villepinte, je te vois, négro. Je maîtrise, si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Fier, déter, tu veux me balayer avant que je devienne poussière. T'accélères un peu, abruti, t'en es tout fier. Get l'expert, laisse-moi gérer, laisse-moi tout faire. Dites aux enfants que nous vivons dans un monde spell. Les gros poissons font disparaître, les petits comme les mice. Muggy, dans ta sans toucher d'innocent façon Max Payne. Dans 2-3 ans, tu comprends pas, petit matin, ramène plein. Fuck l'intérim, je suis un enfant terrible, peut-être un monstre terrible. Quand il prend le périph' et je lâche mes dents depuis le bec d'un pélican. Je suis un militant, mi-vampire et milico. Bébé fort, Venise, Monte Calirom et Milan. Je déverse ma haine, je déboule quasi tous les Milan. Tu ne vois pas venir, je fais du sale, je suis fatiguant. J'ai des textes en or, tout comme le sol du Vatican. Je suis un putain de rappeur avec la voix. Je maîtrise, motherfucker. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Je gère mon rap comme ces rappeurs qui ratent ton petit pipo. X-Gang, Smutre, Gims, le son t'attend des pailles, c'est pas du mytho. Ça s'agit tellement de drôle, moi, ma slam au pandanien. S-O-L-G, A-V-N-R, tu peux demander à tous les miens. T'aimes bien, ça tape des dieux, tu gâtes mais des loin. Ça y est, c'est parti, prenez ta tête dans les coins. Tellement fort, je me bats la vie, je peux faire un truc de ouf. Que tu poses des questions, disant putain, ce mec est solo comme moi. Frère, mon style de maître, cherche pas, je vais vous la mettre. Un peu ou plein, ta doute de moi. T'as eu tort, 100% tu n'as, on m'animène. Je maîtrise comme un homme, comment je trie pour mieux rimer. pas dans l'erreur et surtout pas ma cliché. Naïe, Kocha, Bolingo. C'est d'or, maintenant qu'on dure répit, ça va trop de speed. Mon harmonie, on te l'avait dit, c'est d'or. Je bousille ton possible, les yeux fermés comme un ninja. Mettre mon chakra, mon arôme. On te l'a mis, on maîtrise, je maîtrise. On maîtrise, je maîtrise. On maîtrise, je maîtrise, moi, faut que je maîtrise. On maîtrise, je maîtrise. On maîtrise, je maîtrise. On maîtrise, je maîtrise, moi, fuck. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Mettre mes boulets nucléaires en plein dans ta chauffage. Je baisse mes ennemis sans pitié, la haine met le feu en moi. Ma violence est non limitée, tout n'a pas tout n'a. Trop de temps, mon acteur, mon gage de tonne, car son jeu va. Wesh, bouffon, normal, tu verras couler ton sang sur ce sang. Trop de style de flow, c'est évident. Casse-toi, tu fais pas le poids, passe à l'Okage. MM, soldat est là, bon, c'est Paris, petit enfoiré, l'inspiration des autres. Les mêmes os, il est mal quitté, j'ai mec du gaba, titre de Paris, son. Trop de style, sous tes wam, pendant d'autres me torpillent. En 2012, tu tapes enfin que Muggy fait du hors-piste. Moins de 16, poussez-vous, là ça devient. Ça va. Tel Mario, non connaissant ce qu'on se vla dans le vortex. Vortex, laisse à désirer, vous voilà vexé. Comprends ce que j'ai, je mets des flèches. Faut qu'un combat à Ramsès. Paraissant, par ici, bienvenue chez les paresseux. Paresseux, juste un tout petit peu, mais jamais pour le son. Je parais sombre, pourtant rien que je brille à chaque apparition. Je pars assuré si t'as un pompe. You Muggy wanna know. Je marche avec moi, c'est qu'on shoot sur la même cible. Ouais, je remplis les salles et fais du frochi. Comme on a un cible. Faut que fais-toi tout petit, je suis psychologue à la psy. J'arrive sans prévenir tout comme un tsunami sur Lansing. Bon peu, la prime team. Mon gars sûr. Ouais, ouais, ouais, toujours en direct de Skyrock, la Monster Party, le 30 juin dans les bacs. Vous vous retrouverez ce morceau, X-Gangs et Maître Gims sur le morceau. Je maîtrise, c'est ce qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. Dans yes. quelques minutes, le titre de l'Algérino, on exclut, qui s'appelle Gamberge, qui figure aussi sur la Monster Party. Un putain de son. Le live avec Sony, Bash, Dumes, African Spartiate avec Serine dans un instant. Ouais. Et Is par téléphone de Sarcelles, ça va bien Is? Ça va, calme. Bienvenue dans le Planète Rap, tu es prêt à rapper? Ouais, ça va. Et bien, session freestyle par téléphone, on y va. Ok. Non, comme ce musée, j'en ai autopsie. Je sais que le rap veut, tu l'as, non, impossible. Tu te mesurais à Rome, déclasse-moi si c'est possible. Un conseil, reste docile, en featuring que des fossiles. Je suis dans la fosse, il n'est plus question d'en sortir. Passé furieux, dépose le mic, explose les pour en sortir. Pas sûr que je me retienne, mes gars sont encore bien. J'image le monde comme poster, là où l'illégal peut encore vivre. Quand je rappe, je sens que l'Afrique encore bien. Réciproquement, l'ennemi ne peut que la sentir, il se mord. On s'enfonce sans vous mentir. Ça depuis les bas-fonds, elle devrait rester pour moi. Sans ralentir, j'ai force et honneur pour les contenir. J'ai jugé bon de vous infliger. Puis jeune, je vous ai déjà figé. J'ai jugé bon de vous infliger. Puis jeune, je vous ai déjà figé. Ok, à l'instant, ISISS de Sarcelles, merci à toi. Wouh, c'était lourd! Pour freestyle, et bah écoute, bravo, petite dédicace à passer, petit message, on t'écoute. Non, on est là pour tous les refrains de Sarcelles, tous les quartiers du 9-5, et vas-y, on va essayer d'aller plus loin, Inch'Allah. Et bah bon courage pour la suite, en tout cas. Bien d'avoir kické sur du reggae, c'est bien, c'est original, c'est ça te parle, là, j'ai... Ouais, moi j'aime bien le reggae. J'aime bien le rail aussi. Ouais. T'aimes bien le rail? Ah, j'adore le rail, Khoya. Ah ouais, moi je suis pas trop rail, moi, Khoya. On va t'initier, c'est un peu comme le reggae. Il faut juste se détendre et bouger un peu. Okay. Tout va bien se passer. Et bah merci à toi, ISS, à l'instant en freestyle. Juste avant de passer au live, on va passer au live dans quelques minutes. On est promis le morceau Gamberge. Ouais, Gamberge. Alors, un gros titre à écouter. Il faut que les jeunes ils écoutent ce titre-là. C'est un message très, très, très fort. En plus, on vit des moments très, très, très, très difficiles à Marseille. Et je trouve que dans le rap, au lieu d'inciter les gens au bon, on les incite souvent à la haine. On parle souvent de drogue, d'armes, de prison, et c'est pas ça la vie. Et ça, c'est important. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce titre-là. Et de toute façon, il parle tout seul. Et bah, on balance maintenant extrait du projet qui sort lundi 30 juin dans les bacs. Vie par les armes, meurt par les armes. Où que vous soyez, vie dans le haram. Auditeur de Sky, montez le son à fond. L'Algérie neuf. Gamberge. Tu tires un rail avant de le fumer. Tu paranoïes, difficile d'assumer. Galec, tu es un homme, galec, tu es un vrai. Tu flirtes avec le diable, tu vas pas tarder à brûler. La vie est dure, c'est sûr. Y'a ceux qui se lèvent le cul, toi tu vends de la pure. T'enlèves des vies, t'enlèves des âmes. Tu crois plus en Dieu, tu crois qu'en ton âme. paranoïaque dépressif. Crie sur la daronne, addict à la coque, faut ta dose, faut que tu sniffes. Un grand ami, une gifle, it's a hot guard. Tu veux lui faire la peau, ce fils de bâtard. Ça m'a tué un fou, t'as des choses à prouver. Attends-toi à tout, la rue va t'éprouver. Blin. Ça commence par le guet, ça finit par donner des go. Pour récupérer un terrain, tu fumes ton amigo. Comme si de rien n'était, tu assistes à son enterrement. Tu pleures avec sa mère, tu mélanges les sentiments. La prochaine qui va pleurer, c'est la tienne. Attends-toi à un lourd châtiment. Tu tires un rail avant de le fumer. Whoop. Tu paranoïes, difficile d'assumer. Whoop. Quel que je suis un homme, quel que je suis un vrai. Tu flirtes avec le diable, tu vas pas tarder à brûler. Brûler, brûler, brûler. Yeah. Quel que je suis un homme, quel que je suis un vrai. Oh. Brûler, brûler, brûler. Whoop. Tu flirtes avec le diable, tu vas pas tarder à Gamberge. Message pour toute la jeunesse de France. C'est l'Alger sur Skyrock. Monster Party, on est là. Dans les bacs le 30 juin. Aïe. Y'a plus de rahma dans les quartiers. La drogue tue dans les quartiers. Le shaitan nous a bernés. Plus d'échappatoire, on est cerné. Plus d'amour dans mon quartier. La haine pousse dans ton quartier. Même ton ami d'enfance peut devenir ton ennemi juré. Yuma, yuma. Prie pour tes fils qui sont déclarés. Yuma, yuma. Même les anges ont fini par se barrer. On n'a rien à y gagner. On emporte rien avec nous sous terre. À quoi bon sœur d'être le plus riche du cimetière. Marseille c'est des drames, Marseille c'est des larmes. La prison ou la mort, les corps calcinés. Mère en larmes, on sait plus à qui parler. Parano, je commence à méfier. Chaque jour sans savoir, je fais la bise à des meurtriers. Yeah. L'Algérino sur Sky. Monstre marin, on est là mon ami. Exclu. Monster Party. Ouais, gros morceau de l'Algérie à l'instant, l'Algérino Gamberge que vous retrouverez le 30 juin dans les bacs dans la Monster Party. Yes. Avec deux instrus en effet. Exactement, composé par Spike Miller. En fait, j'avais commencé à écrire sur la première instru. Après, je me suis dit qu'il fallait aussi une suite à ce titre-là parce que voilà, il y avait un discours dessus. Mmh. Et il y avait le petit côté un peu très hardcore au début qui est vraiment trap. Et après, un peu plus mélancolique qui me colle un peu plus aussi à moi. Donc. Voilà, même techniquement, c'est un titre que les gens ils m'attendent pas souvent sur ce genre de délire. Et donc voilà, c'était intéressant artistiquement aussi. Tu vois ce qu'il a fait, c'est très fort, ce qu'on appelle la technique interdite. Exactement. La technique interdite. Le X-Gang, ça parlait, on appelle ça la technique interdite. Seuls les Okage peuvent le faire. Là, tu nous as. L'Alger, c'est un Okage, poto. Tu nous as réveillé le clone. Respect, poto. Respect, 93, frérot. Merci. Bien joué. Bien parlé. Je pense que tu vas être félicité par le numéro 1. Respect. À la maison. C'est parti des grands. Bon, Sony Bash, Dioms, African Spartiate et Serine maintenant au micro. Au micro, c'est le feu. Est-ce qu'il y a du monde au studio? Ils étaient. Ah ouais, Freddy, on t'avait prévenu, Freddy. Aujourd'hui, ça va cliquer sale. Ils étaient 2000 au début, ils ne sont plus que 5 dans le studio. L'un ou l'une ira aussi, pareil, dans un grand studio parisien pour aller faire un morceau. B-Rice est au platine, c'est lui qui balance les instruments. Honneur aux dames, aux femmes, aux jeunes filles. Serine, on t'écoute. Bien sûr. Wouhou! Appelle-moi Serine, Rin. Appelle-moi Serine. La reine biste, appelle-moi Serine, Rin. Appelle-moi Serine. Hello, hola, hella, réveille-toi. Et laisse tomber cette fille-là. Oui, crois-moi, oublie-la. Dis-toi que Serine est là. Je ne suis pas un trouble fat, mais j'avoue que là, je m'inquiète. Si j'ai bien saisi, c'est pour Bella que ton cœur perd la tête. Sache que si tu crois qu'elle peut te susurrer des mots sucrés comme je le fais, c'est sûr que c'est exclu, je peux te l'assurer. Sois une lasse de trèfle qui pique ton cœur. Tiens-toi à carreau, car Bella n'est qu'une fleur qui finira par paner. Mais moi, je suis un rock. Je sais que tu le sais, même si tu nies tout en bloc. Je pars à l'abordage pour une mission sauvetage. Ton cœur a chavéré quand Bella l'a prise en otage. Manque de crédibilité et la sacrée débilité dans laquelle elle te plonge. éponge te rend aveugle et ça me tue. Si sa beauté est illimitée, elle a de quoi être flattée. Mais ce n'est pas le chat qui sera beauté si tu la suis. Et puis derrière, elle te jette, et j'avoue, je ne le regrette pas. Camille, une cigarette, elle te tue, mais si n'arrête pas. Moi, je ne peux rien promettre, mais dans tous les cas, j'essaie d'être toujours là, je ne sais. Parce que tu lui trouves mes sages que je désapprouve. Wow, it's my birthday. I'm gonna party like it's my birthday. Oh yeah. It's my birthday. I'm gonna party like it's my birthday. C'était la sirène aujourd'hui, elle a parlé. La sirène nous a hypnotisés. Alors on continue avec Bâche. Bâche maintenant. Il est où le gars sur Bâche? Mets ton casque. Ah, il est là, Bâche, il arrive, il est en train d'arriver au micro. Mais c'est la place au MC là, les MC comme ça ils sont déjà installés en vrai. Yeah. Allez, c'est parti, session live avec Bash du 38 de Grenoble maintenant. Bash. Parti mon pote, dédicace à Wassa et ton, et toi et ton mon frère. Okay. Yeah. Ça va être chaud les mecs. Ouh. Dédicace à Souris. À mon poteau, la Monster Party va le pécho mon frère. Yeah. Je prépare un truc de malade, t'as la zik tchika. 4 briques. Remets-moi pour la frère, s'il te plaît. Excuse-moi mon poteau, on va partir bien, t'inquiète. Parce qu'en fait, j'ai pas assez d'instru dans le casque. J'entends pas trop, si tu peux monter l'instru, s'il te plaît. Montez-lui l'instru dans le casque. C'est là-bas. Yeah, t'inquiète pas, ça arrive mon ami. Là c'est bon. Bash. Grenoble, 3-8. Je prépare un truc de malade, t'as la zep psychiatrique. Je vais te montrer comment bâtir un empire avec 4 briques. Sur la moto de la cave, suffit juste un coup de clic pour donner le biberon. Là son est quadrillé, les petits font le tir. Si c'est pas que le micro, bande de rageux, faut le dire. C'est le beat qui ballonne, pour ton cas je mange trop. Un mec dans les douches, tu vas te faire niquer, tu te penches. Bah les couilles, t'es là pour ça, je pense qu'à me marier. T'as même pas démarré que j'ai passé tous les rapports. T'as pas de connexion, y'a pas de kilo sans apport. Je suis là pour te niquer, et ce sans pitié. Je vais pas faire la course avec une moto bridée. Éteignez les briquets, car je mets le fire. Personne n'est un bâtard, regardez le Barça. Je vais pas parler, mais le bon Dieu les entend. Nique le rap, c'est fait chez Poto, mais c'est tentant. Il est content qu'il sache que personne ne fait peur. Nique les traits qui changent de camp comme une bite de flipper. Je patiente dans la salle, Poto, c'est gratuit. Pour la consultation, faudra lâcher un billet. J'ai croisé les embrouilles, j'aurais dit. Puis j'ai croisé la galère qui m'a proposé. Pourquoi tu fais le fou quand t'as pas les épaules? Tu donnes des noms devant les condés, j'ai eu des échos. On a la montagne, les yeux rouges et les bras de Keno. On se garde en double fil, on fait pas de créneaux. On fait pas de créneaux. Devant les survivants, où ils m'attendent pas. Je fais péter mes rimes, je suis l'auteur de cet attentat. T'as des couilles, toi tu sautes sur lui, Atlanta. Je suis sur Marseille, je passe prendre de la frappe. Je connais trop de dread, évidemment que j'ai des potes. Je présente des copines et des bonnes. Ne pas les intéresser, si je t'aime pas, je te le dis. Deux ans, je vais le couteau à crocodile Dundee. 15 ans, à 6, 35 dans le cartable. Plaque à ton détail pour partir au cap. T'étais encore dans la tourave que j'étais dans les. Aujourd'hui, si je suis gardant dans le sud, je peux faire une mire, mon millimètre, manier la langue comme la vipère. Le mental est maléfique, je pense à la barre, j'appelle le ripper. Au micro, j'ai trop la mort, ils entendent pas. Tartier leur corps couleur blanc sur un tas. Photo dans ce bis, tu penses additionner mes petits défis. Sur Iken m'a dit tu vas tout niquer. J'ai beau être entouré, je me sens seul dans ce vie. Devant Dieu on fera les comptes et y'aura pas de vie. Manie la langue, il est mon manipulé par les reptiles. Sans piger, je te plante le micro dans la rétine. Il a bien représenté. On vous a dit, il n'y a pas de piston ici, cousin. On vous a dit. Allez, on continue. Mon gars sûr. Allez, on continue, c'est reparti. La même. Sony. Mets-lui la même à Sony. Remets la même, tu tires. Non, celle de Cyril. Calmez-vous, tout va bien se passer. Ah, Sony au micro maintenant. On dit quoi? Hein? Laisse-nous faire, laisse-toi aller, continue à inhaler. Ton délai va expirer, bientôt je te ramasse au balai. Pour les gains de l'étarré, fais-les, que des flots décalés. 1-3-0-9-0 dans ta bouche, ton cul t'en palais. Le projet va arriver, les mecs va falloir poser ta Je te vois avec l'œil du cyclope, même caché dans une vallée. Ça sert à rien de rafaler, une balai, ça y est, t'es cané. Je vais t'avaler, dans ton palier, un jerrycan, c'est ce qui me parle. Oups, j'ai fait mal, créative art, c'est quoi les bails? Je pose mon freestyle, après je me taille, c'est Sony. Si je deviens Sonic, je peux te sortir des passes insolites. Quand t'es rappeur, c'est facile et rapide, créer une polémique. Je vois tout près des canons, ça fume du cannabis. Faut que je réalise que je me canalise, on est tous sur la liste. Passe ton 06, qu'on fait un beat sur ma tracklist. Y'a beaucoup trop de putes qui te font la bise, en même temps te l'enmise. Donc, ferme ta gueule un peu, s'il te plaît, ma biche, je suis pas là pour te plaire. On est loin du Wu-Tang Clan, alors pourquoi tu te manifestes? Tu te prends, je t'éclaire. T'es pas sur le droit chemin, tu croiseras Lucifer. Aussi, ils enferment, y'a pas d'emblème, y'a pas d'embrouille, y'a pas de blême. On est éternel même si tu pars en couille mon frère. Tu négliges la prière, tu t'emballes avec pas de retour en arrière. Tu sais pas nager, t'as les pieds sur la plancha. T'arrives pas à payer le loyer, t'as la tête dans la ganja. Nixon et Tony Montana, y'a des bébés qui sont tannés. Ici c'est pas la scène et ça au car ici ça se laisse aller. Tu salis ta mère, est-ce que tu t'en rends compte? Puis après tu salis ta mère, ah t'es vraiment con. Ça se passe sur Skyrock, ça se passe sur Skyrock, on est là mais tu sais pas. Ça se passe sur Skyrock, ça se passe sur Skyrock, ça se passe sur Skyrock, on est là mais tu sais pas. Sonny à l'instant, au micro, dans Planète Rap, bravo. Tous ceux qui regardent, on est là. Bravo à Sonny à l'instant. Ok, lourd. On continue. La triade. Là on appelle Jooms. Je le sors. Jooms qui est là, au micro maintenant. Lui-même. De France. Jooms. Kicker des temps modernes. Vous sentez vite. Kicker des temps modernes. Jooms qui vient du 9-5, c'est parti. Kicker des temps modernes. Tu sais comment ça se passe. Yeah. Demande à mon gars Van Damme, il est juste derrière. Check. Yeah. 2014, nouvelle année, nouveau flow, nouveaux ennemis. De nouveau, tu vas canner, car de nouveau, la cité est mine. Nouvelle technique d'homicide, dites-moi où sont les homicides. Nouveau phénomène, président, nouveau kicker, nouveau récit. Nouvelle façon de faire, un nouveau prototype d'ampère. Nouvelle descente en enfer, bouffon, t'aimerais bien comme enferme. Même si je suis la nouvelle machine, tac dans les tendons d'Achille. Laisse opérer la magie, je débarque, je vais foutre l'anarchie. Nouveau produit phare, nouvelles attentes de mes fans. Un flow de fêlé, je vais vous mêler, nouveau retour de flamme. Je suis le nouveau boss, nouveau costard devant moi. Que des nouveaux boss, nouvelle costard. 2014, nouvelle année. Poule, je vais la refaire. Yeah. DJB Ride. 5 est dans la place. Check. J'ai toujours pas pété le magot, ni pété la Murcielago. Lamborghini Gallardo, ni même salaire de canardo. J'préfère remplir mon frigo que j'ai des métunes sur les fesses d'ego. 95190 Yogo, entends-tu les échos? Bienvenue, c'est goût sans père la SIG de AKL Hamas. Ramasse tes chicots par ta connasse, ici c'est pas Dallas. C'est chaud. Pour toi c'est Damas, ici ça quitte tard les famas. J'vise les fucking palace, Merco Benz un délire comme masse. En attendant en bas du bloc, on me dit t'es intérimaire. Pas le bif de Justin Bieber, j'garde mon statut d'intérimaire. TikTok limite trop fort, j'essaie pas d'y mettre off. Un conseil appelé des renforts, vous rappez comme Billy Crawford. J'arrive, t'annonce que t'arrives, Paris, si je veux mon ralice. Mais t'en ramènes la valise, je suis à l'aise, rasé comme Karis. Le valise chaud. J'crois que c'est l'heure, je vais le temps que j'accélère. Je suis toujours excellent pour sortir des best-sellers. Arrêtez de faire les chinois, genre je me tape comme un pataya. Et cousin, une balle d'un Uzi va plus vite qu'un katana. Demande à Tony Montana ce que ça fait de se faire niquer. Et bouffon, tu te fais pas un homme juste parce que tu sais bien forniquer. Tu promets de la première ligue, t'es ton dernier de la ligue. Hein. Mais c'est en l'en compte à ton maquillage car tu jaunis. Tu veux Brad Pitt, tu ressens plus à Angelina que jolie. Mais moi je vais rester pour le temps, au max ça devient dingue. Je vais partir d'un game, je veux juste my money in the bank. Un jour la vie va s'éteindre et tout le monde va prendre ce train. La marche est que tout le monde aime les rues, t'as du parc des Seprins. On enterre pas un milliardaire avec ses francs CFA. Le boss des Bel Air est reparti naturellement sans s'efface. Les meufs se mettent à mistonner et là tu dis oh putain. Tu comprends mieux pourquoi la tienne veut t'y perdre le boutin. Même si je sais que tu pouvais, t'as compris maintenant que je pouvais sortir des punchlines qui pourraient te passer. Welcome to my hood. Où le vous sortez. Merci à Jooms, African Spartiate. Ouais, laissez-la, laisse l'instru. 9-1-4-8-0. African Spartiate maintenant. Ok, c'est du classe à tous mes frères, mon frère du lourd. 9-1-4-8-0. Ok, check, bref, bref. Les plus calmes et les plus fous en cas de contentieux. Ceux qui reçoivent l'appel de la rue répondent avec un silencieux. Écoute cette phrase et regarde-moi dans les yeux. Oh là, je peux buter pour ma mère. Si je le perds, elle dans les yeux. Un moteur allemand, me dis pas qu'il y a des bons yogis. Les bons comptes font les bons amis, la bonne skank les bons yogis. Comment tu fais la halal? C'est pas trop logique. Tout le monde qui dit que t'es vierge, mais c'est que ton signe astrologique. Tu parais invisible sur le beat à catapliquer. J'arrive imprévisible, un peu comme le tac à piquer. Cataclic, parle pas de cheat, t'as pas chiffré. C'est tout sous ici qu'après toi un marre des va kicker. Physique, d'horrible, musique, horrible. Philippe, Maurice, un chèque des slim à briquet. Amnésie, euphorie, physique, de glory. Fusil dans les stories, kick derrière ma plie. Écris punchline quand je veux, de la merde quand je veux. Je prie, je vis, je ris, je pleure, je meurs quand je veux. Sur mes positions, sur internet, vous parlez de moi. Être signé, je m'en bats les noix. Ou qu'à signer des positions. Rêve du compte à CR, dans les affaires t'accélères. Mais arrive ce lundi où tu te fais lever comme un CR. Rogatoire, commission. Frère, nous applaudissons les francs-maçons, nous maudissons. On n'a pas que la rue et le peuple. punch, punchline à volonté. Je crois que c'est flunch. 91 Ray, check c'est bon. Les instrus, j'aime les bonnets. RVP James, les bros. RVP James, les bros. Ok. Dédicace à Luciano, D1 Fleury. Ok. Une dernière fois, c'est un Fleury. On est toujours les boss du Val d'Hier. Et vous êtes toujours malin pour faire des CV. Comme Moulay Ahmed, trop malien pour faire des UV. La recherche de l'OV. Genre, je fasse pas mal. Franchement, que je me fasse pas mal. Franchement, que pas mal. Les tueries, j'en ai trop fait. Les pitchs, j'en froisse pas mal. One. Pour mes carlouches, pour mon galouche à la scabane. Ça fait droite d'internet. Les allumeuses. Mais la plupart des araignées sur la toile sont venimeuses. Prêtes pour Anastasia. Anesthésiées. Sous extasiées, finissent par faire plus de place. C'est la mafia. Allez, on conclut avec African Spartiate. On continue, c'est le dernier, c'est le dernier. Il y a plus de time, désolé. Ah ouais, je vais à Skyrock pour rien quoi. C'est le dernier. Alors on pose rapide, vas-y, rebalance un truc. Vas-y, la famille. Je la déteste. Je les gars des Mardel, je les gars du secteur. C'est parti, va leur dire, la pute si elle me trompe. Les meufs c'est comme macro-essence, pour toi ça pompe. Sois prêt à vaisseau, prépare tes appuis. Aujourd'hui la garde est saute, on va dans le allons, crois pas que t'as le bras long. Ceux qui voulaient percer au couteau, tous finis au ballon. Allez, j'accélère, derrière moi le chef s'élève. Toujours pas de SLR, baisse d'un ton, mes potes s'énervent. Elles veulent cacher leur dossier, que ça sache pas. Y'a qu'à l'hôpital que tu rencontres les sages-femmes. Un à deux, petit gabarit te plaît en deux. Je crois pas, tant que je vois pas, mais pourtant je crois en Dieu. Elle m'a les rangs. Faites du bruit la famille. C'était African Spartiate. Pour conclure à l'instant, pour conclure, il y avait Sony, Bash, Dooms, African Spartiate et Serine qui a ouvert cette session. Ils étaient 2000 au début, 5 ici en live, en freestyle dans Planète Rap. Et puis d'ici quoi, d'ici la semaine prochaine, vous filerez le nom du gagnant. À la fin de la semaine. Mais ça va être dur, frère. Ça va être dur. Il y a du très haut niveau. C'était dur. Bah là, vous démerdez, hein, les gars. Ouais, c'est votre taf. T'inquiète pas, on va annoncer ça tranquillement. Sur les réseaux sociaux. Ouais, sur les réseaux sociaux, ils seront tous mis au courant. En attendant, le 30 juin dans les bacs, la Monster Party est toujours à 7,99 sur iTunes cette semaine. Et ben merci à vous tous, merci à Ice Cube, bien sûr l'Algérino, merci au Marine Monster. Manes, Calif, le clip Gamber, je l'ai tourné, mais pour des raisons personnelles et on va dire un peu. On va le mettre en stand-by. Voilà, je vais pas le sortir, yes. Je vais pas le sortir encore. Dédicace à Red Out Black qui font un travail de folie dans les clips. Silly aussi, Jihad, grosse dédicace. C'est l'Algérie. Oh, juste un truc, je suis en tournée à fond les ballons, donc je suis obligé un peu de faire. Excuse-moi, mon poteau. À fond les ballons. Attends. En tout cas, en entendant qu'ils cherchent les dates, le 30 juin dans les bacs. Voilà, le 30 juin. C'est dans les bacs. Et là, on va commencer une grosse tournée. Il y a le Ramadan. On a 3 dates. On est à Alger, Béjaïa, Oran. Ensuite, on sera Tunis, Hammamet, Sousse, Marrakech, Casa, Saïdia. On sera aussi dans toute la France. On sera à Naba. On sera au Portugal aussi, à Porto, Montréal, Beyrouth. Voilà, de toute façon, sur mon Facebook, mon Twitter, je te dis artiste international. Yes. Fred, j'avais un petit mot aussi concernant la boutique Vortex. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est les soldes. Les soldes. Ah, c'est vrai. Allez-y, foncez. Il y a de grosses affaires. Il y a des bonnes affaires. Semaine, yes. Allez-y, foncez. Je voulais aussi préciser. Exactement. 9 rue Ticton, 75002, Paris, métro Étienne Marcel, Bré. Yes. Et la Monster Party dans les bacs. Normal. Juste pour finir, une grosse dédicace à mon gars sûr. Noko V. Geza, le berger. T'inquiète, on est là, on pense à vous, la famille. Yes, Gros dédicace à Dooms, Popol Narvalo. Et je voulais aussi préciser, tu sais, aujourd'hui on a pris 5 gagnants, tu vois, mais il y avait aussi beaucoup d'autres talents. Et je voulais aussi dédicacer quelques personnes aussi qu'on a tous voté exactement, tous en même temps. Il y a eu la triade, il y a Kevlar, Zone Psychiatrique, Hiroshima, Wagari, Kazoda, Komar, De Baznega, Le Spleen, Hicham Ali, Manuela et Intensif. On voulait vraiment, merci à tous ceux qui ont participé. On vous voit, vous inquiétez pas. Merci à vous tous. Rencard demain entre 20 et 21, on est ultra à la bourre. Salut Deepfool. Salut tout le monde. Hello. Un bonjour collectif. Hello. Salut les monstres. Ouais, c'est sympa. Salut à tous. Monstres et compagnie. La semaine des monstres. C'est les monstres et compagnie que vous retrouverez demain. Juste avant 20h dans Planète Rap là. Pour une grosse semaine là. très grosse semaine. Ah ouais, ouais. Grosse semaine qui continue demain. Grosse, grosse soirée ce soir. Hein. Le foot, hein, c'est parti. Et, hein. Bah, et allez les bleus, j'ai envie de dire. Allez les bleus. Vous avez fait les pronostics, non? Non, on n'a pas fait. Non, non, là, c'est du 4-0 ce soir. 4-0 tarif. C'est du 4-0, frérot. Tout le monde pense ça, 3-0, 4-0. Moi, j'ai dit 2-0. Ouais, 2-0, moi. Je suis resté. Cédric, qui est un spécialiste du football. Un expert. Les compteurs, ils sont pas mal. Spécialiste reconnu. Oui, reconnu par le monde entier. Par la FIFA même. Non, mais bien sûr, c'est Cédric. Carrément. Ah, bah attends. Va mordre Romano ce soir, s'il te plaît, Cédric. T'inquiète, va mordre à l'épaule, direct. En mode Suarez. En mode Suarez, ouais. Une morsure. Grosse grave. Bon, ce match, on va le suivre ce soir en direct sur Skyrock. Soyez là à partir de 22h. Puis soyez là dans un instant, puisqu'on arrive aussi. Et demain, n'oubliez pas, Planète Rap. Spécial femme. Ouais. Juste avant 20h. L'autre, il est chaud. Il est déjà chaud. Ah ouais, il est chaud comme une baraque à frites, quoi. Eh ben, vivement demain. Baraque à frites. Ciao, ciao. Et on arrive tout de suite sur Skyrock Radio Libre. On écoute Black M. On se fait sur ma route. Et c'est parti pour la Radio Libre. Vous nous appelez. À tout de suite. Ciao.